j'ai eu du mal à gérer cette transition jeune senior. Ouais. Quand il y avait une journée de détection, je mangeais les mecs, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand il a fallu être performant, rigoureux tous les jours, toute une année, ceci, cela, j'ai jamais géré. Ok. J'étais pas fait pour ça. Ouais, c'est pas ton tempérament. Et puis j'ai vu aussi des trucs en pro, les mecs qui se regardent, qui sont là, qui se comparent, ceci, cela. C'est pas la même ambiance. Mmh. Et ça m'a pas plu. Présentez-vous qui je suis. Merde, on se prend pour qui. C'est bien, bro, continue comme ça, bro, c'est bon. Allez. On va pas parler de technique ou tactique, là on va les destroyer, puis voilà. Maintenant le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau c'est l'aventure humaine quoi. Après bon, le bouclier ouais, c'est un morceau de plage, il flotte. Hein. Un pilier un jour lui a dit, je t'ouvre la tête comme un livre. Et Trinini lui a répondu, à quelle page? Et à chaque fois. Aujourd'hui avec Jérémy Braille, un personnage haut en couleur que le rugby aime tant produire. Je suis ravi d'être avec toi, Jay. Aujourd'hui, on est aussi accompagné par deux copains à nous, Kike Piro et Ludo Soso. Dans un lieu très content. Dans un lieu paradisiaque, ailleurs. J'espère que vous pourrez entendre les petites vaguelettes en même temps que nous discutons. Et les mouettes. Bon, mais Jay, je te laisse un peu te présenter. Alors, Jérémy Braille, j'ai 30 ans, bientôt 31, le 9 juillet. Je joue au rugby depuis que j'ai 11 ans, donc ça va faire 20 ans. Si, ah ouais. Si les comptes sont bons. Et voilà, j'ai commencé le rugby à 11 ans dans le Château Renard, le village où j'ai grandi, pas où je suis né parce que je suis né à Avignon, okay. Juste à côté, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de clinique à Château. Voilà, j'ai commencé le rugby au début. En fait, il faut savoir qu'à Château Renard, le rugby il a une place quand même importante. J'ai fait un peu tous les sports avant. Ouais. J'ai fait du judo. J'ai fait de la natation longtemps et j'ai même fait du foot. J'avais aucune qualité. Du coup, je suis allé au rugby. Pour suivre un peu les collègues, parce que ouais, je me suis retrouvé dans une classe où tous les mecs qui faisaient du rugby, je pense que ça, c'est. Y a pas mal de mecs qui ont commencé comme ça. Mon père avait joué au rugby, ouais, niveau jusqu'en junior, quoi. Il a jamais. Oui. Il a joué pour le plaisir. Mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père aussi, voilà, donc c'était un peu une suite logique que je m'y mette. Et oui, j'avais commencé avant quand j'avais 6 ans, ouais. Mais ça n'avait pas été concluant. Je m'étais cassé le nez au premier tournoi, à Alès, mais c'était en faisant le cochon pendu sur la rambarde. j'avais même pas joué, donc du coup j'avais arrêté, j'avais repris plus tard. Et voilà. Donc t'as joué jusqu'à quel âge à Château? J'ai joué à Château jusqu'à... donc j'ai fait Benjamin, donc à 11 ans, après j'ai fait un an... en minime, ouais. J'ai dû partir un an, parce que j'avais fait déjà un peu le con. C'est-à-dire, t'es parti de Château un an? Ouais, je suis parti de Château un an, j'ai joué à Tarascon. L'année, donc la dernière année minime, celle où on postule pour le Pôle Espoir. Ça ouais. Pas ça. Ouais, il n'y a pas grand monde qui le sait ça. Ouais, t'es pas au courant. En fait, ouais, déjà à 14 ans quoi. Ouais, même pas. Avec toi, 13 ans et demi, 14 ans, 8 clubs. Voilà. Et en fait, ouais, c'est con, mais tu sais, souvent quand t'es jeune, on monte souvent nos culs aux fenêtres du bus et tout. Sauf que moi, dans ma chance légendaire, bon, déjà j'ai pas montré que le cul, j'ai montré un peu le devant. Et il s'avère que c'était la femme du président, je crois, si mes souvenirs sont bons, du club où on allait. C'était Manos qui avait suivi le bus, elle était outrée. Et ouais, il m'avait mis de côté. Mis de côté pour ça et j'étais parti un an. J'ai signé à Tarascon où j'ai rejoint un de mes anciens entraîneurs que j'avais eu en jeune à Château qui s'appelle Christophe Bella. D'accord. Donc à l'époque, en moins de 15, on jouait à 12. Tu jouais quel poste toi? J'ai toujours joué 8. Toujours joué 8, ok. Toujours joué 8, ouais. Toujours joué 8 jusque-là. Ok. Donc je suis allé à Tarascon. Il y a un pote de l'époque qui m'a suivi à Château Renard qui s'appelle Jean-Nicolas Fuentes. On y allait tous les deux. Et on avait une belle petite équipe à Tarascon, franchement. On avait gagné le tournoi Henri Abeille à Château Renard cette année-là. Donc ça, c'était la petite anecdote. Je m'étais régalé, c'était trop cool. Et après, je suis revenu à Château en cadet. Parce que Château avait une équipe en KDA cette année-là. T'es pris au pôle espoir dès la première année? Ouais, je suis pris au pôle espoir en faisant des tests merdiques. Ouais. Mais parce que ouais, ils avaient un suivi sur toute l'année, et sur les tournois avec les sélections et tout, ça avait été pas mal. Ouais, des tests physiques merdiques, parce que j'ai jamais. Même quand j'étais sérieux, j'ai jamais eu une bonne VMA, et j'ai jamais ça. Je sais pas trop l'expliquer, les gènes certainement. Parce que j'ai eu été très sérieux et ça a jamais monté en flèche. Donc voilà, je signe à Château, je passe une superbe saison, avec des potes du village, quoi, niveau, en KDA, quoi. On perd, je crois, en 8e contre le Stade Toulousain en sortant le Loup en 16e, avec le club de Château qui est en jeune, a une bonne formation quand même, mais à partir de KDA, en général, on joue plus dans les niveaux inférieurs, en règle générale quand même, donc c'était plutôt cool. Avec des mecs derrière, certains qui ont fait des jolies petites carrières, d'autres qui ont préféré rester à Château, et voilà, c'est toujours pareil. Oui. Voilà, c'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs quand on était jeunes qui ont eu les plus belles carrières, hein, mais voilà. Donc voilà, donc après je signe au Pôle, donc j'arrive au Pôle Espoir hier avec Jean Bidal, où là je rencontre tous les amis qui eux, pour la plupart, jouent déjà à Toulon. Ouais. Donc moi je découvre le Stade Mayol, je découvre le Var, je découvre un peu tout ça. Moi je viens de chez moi, je viens de Château, il n'y a pas la mer, j'arrive là, je suis un peu comme un foufou, quoi. Et l'année d'après, ouais, y a les premières sélections. L'année d'après, je signe à Toulon. J'en joue avec les collègues. KD2, deuxième année. Ouais. Ouais. On fait une belle saison. On perd en demi-finale contre Béziers. Là encore, on a un bon paquet de l'équipe en sélection. Ça, t'es génération 88. Ouais, génération 88. Là, il y avait génération 88. Il y avait 88-89, du coup, vu que je suis deuxième année. Oui. On a franchement une belle équipe, quoi, sur le papier, surtout quand on voit la plupart maintenant la carrière qu'ils ont eue. Et là, il y avait, à mon avis, Kevin Pirot qui était là, troisième ligne tonique. Suisse tonique. Qui chopait tous les 10 de France. Maintenant il est plutôt jean tonique. Ouais. Voilà. Et ouais, franchement, putain de souvenir, ça. Voilà, ouais. Voilà, après. Il y a plein d'anecdotes à raconter sur cette saison, toutes les conneries qu'on a fait, les bons moments, les moments difficiles quand on perd contre Béziers, on était deck, putain, franchement, on avait... Bref, c'est toujours pareil, on aurait pu, Béziers, c'est une super belle équipe aussi, grosse génération. Oui. Franchement, à cette époque-là, je crois que le gros de l'équipe de France, c'est Béziers et Toulon, quoi, de notre génération, hein, en 88, franchement. Ouais, le plus gros pourcentage de joueurs, c'était ça. Donc c'était vraiment des belles confrontations et c'était les premiers matchs âpres, jeunes, phase finale, l'été, avec les entrées avec Lolo Gate et Jean-Jacques Bortolaï, où on y mettait du combat, où franchement on était un peu débilos, c'était bonheur. Voilà, après là vient les premières blessures, quoi. Ça a été le fil rouge de ta carrière? Ouais, grave. Là ça a commencé là, mais ça avait commencé déjà au Pôle avec une petite pubalgie, mais bon ça c'est dû à la croissance, au rythme d'entraînement qui brutalement monte en flèche, mais bon ça c'est pas grand chose. Et après c'est les épaules, ouais. J'ai beaucoup chargé au niveau des épaules. Ok. J'ai été opéré du coup maintenant en tout 4 fois des épaules. Donc okay. Ça, ouais, j'étais peut-être un peu fragile à la base. Moi je préfère dire que c'est parce que je m'engageais trop, mais je vois qu'il y a des mecs qui s'engagent beaucoup, ils se font pas opérer 4 fois des épaules, donc... Ouais. Tu parles d'engagement, donc quel type de joueur tu es? Ben déjà, comme je t'ai dit, j'ai pas une super VMA, je joue 3ème ligne. Mmh. Donc bon, je suis obligé de compenser par d'autres qualités, parce que ça c'est quand même un défaut important. Profiter du gauche. Ouais, je pense que je suis un joueur physique. J'aime bien le défi physique et j'aime bien gagner mes duels. Voilà, je l'ai toujours eu. Après, on m'a reproché de pas faire jouer assez derrière moi, notamment Jean Bidal, qui me l'a rabâché longtemps, on me l'a rabâché après dans les sélections. J'ai beaucoup travaillé sur ça et j'ai commencé à être pas mal sur ça. Donc ouais, je pense que j'aime casser la ligne et faire jouer après moi. Voilà, et puis plaquage, je suis pas le mec qui a les coups des grosses stats, mais j'aime bien mettre j'ai un bon ratio de plaquage offensif, je pense. Voilà. Après, ouais, on m'a aussi reproché souvent mon rendement de jouer par intermittence, c'est-à-dire d'être capable de faire des choses pendant 4-5 minutes et après pendant 7-8 on me voit plus. Ouais. T'es d'accord là-dessus? Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Olivier Baudon souvent qui m'a dit ça. Il m'a dit putain, mais si t'arrives à faire ce que tu fais par intermittence, oui, constamment, tout un match, j'ai dit ouais, mais bon. Et mais voilà. C'était à cause de ta VMA, tu penses? Ouais, franchement, il y a eu des moments où je m'entraînais comme un fou tout l'été. Mon père c'est un marathonien. Ouais. Donc, c'est lui qui me prenait sous son aile, qui m'amenait courir, qui me faisait des programmes mais de malade. Et je m'entraînais comme un fou. À l'époque, je fumais pas, je buvais pas. Et j'arrivais à l'intersaison et il y avait des collègues qui, eux, ils jouaient pour... plus pour s'amuser, mais qui étaient quand même avec nous. Donc, ils étaient à un bon niveau et qui avaient fait la bringue et tout. Ils étaient devant moi au test physique, quoi. Donc... Ça, t'as jamais compris? Jamais. Ouais. Après, il y a une part de génétique. Hein. Je sais pas. Mmh. Après, voilà. Donc après ça... Ouais, donc à Toulon, tu irais jusqu'à quel âge? À Toulon, j'y reste un moment, j'y reste jusqu'à 2010. Donc jusqu'à l'année moins de 20? En 2011 même. Je pars en 2011 à Narbonne. Donc t'as 22 ans? Donc je fais les moins de 20 en 2008. Ouais. Et je signe mon premier contrat pro espoir avec Toulon, où là je suis avec le groupe professionnel la semaine et je redescends avec les... Comme on faisait tous, je redescends avec les espoirs... quand je suis pas sur la feuille avec les pros, c'est-à-dire tout le temps. Donc voilà, c'est-à-dire absolument tout le temps. Ouais, parce qu'à l'époque, il y avait du monde, et ouais, et voilà. Hein. J'avais certainement pas le niveau. Après, est-ce que j'aurais dû, quand j'ai fait la Coupe du Monde, partir en Pro D2, je sais pas. Ouais, bref, après, moi, j'ai aucun regret. Voilà, après, je signe à Narbonne. À Narbonne... j'arrive à cette période, donc je quitte Toulon, je suis en dépression, je voulais pas partir, moi je voulais faire ma vie ici, je dois aller à Narbonne. Au début je devais aller à Oyo, ouais. J'avais même été annoncé dans la presse à Oyo, ils étaient allés un peu vite en besogne, et finalement je signe à Narbonne parce que franchement Oyo, je me suis dit Toulon, Oyo, je suis pas prêt, je suis pas prêt à un choc pareil, même si franchement Oyo ça aurait été peut-être le meilleur choix sportif. Parce que j'avais Urios directement et tout, donc enfin, je sais pas, mais en tout cas je vais à Narbonne avec Sony Falconetti, ouais. Avec qui j'étais à Toulon. On était déjà en coloc à Toulon en fait. Après il y avait eu un problème d'indemnité de formation, etc. Donc en gros, Toulon ils avaient fait un package un peu je crois. Okay. On était partis tous les deux à Narbonne, bah, en plus on s'entendait bien, et puis on quittait chacun une région qu'on aime et tout, donc c'était plus simple d'y aller à deux quoi. Et voilà, je fais 2 ans à Narbonne. Donc pareil, je m'entraîne avec les pros et je joue en espoir quand je suis pas dans le groupe. C'est-à-dire souvent. On passe de tout le temps en soirée. Ouais, déjà, il y a une petite progression. Ouais, je fais quoi? Je fais, je sais plus, en tout, j'ai dû faire 4-5 matchs en Pro D2, pas plus. Ouais. Ouais, pareil, après là, il y a eu un peu des débordements, je suis arrivé, on a un peu fait le con et tout, donc bon. Ouais, je vais te demander, qu'est-ce qui t'a empêché, tu penses, de passer le cap à Narbonne? La bringue. À Toulon, c'était le niveau. Ouais, à Toulon, c'était le niveau. Et à Narbonne, franchement, je suis arrivé... Et qui dit la bringue, mais toi? Ouais, mais en fait, je suis arrivé, j'étais vraiment dans le mal quand je suis arrivé à Narbonne, je m'étais pas préparé, j'avais essayé de profiter le plus possible de mes collègues durant l'été ici. Ouais. Donc j'avais vraiment pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire me préparer bien, tu vois. Et je suis arrivé, franchement, j'étais fat. Je voulais rien dire. L'entraîneur, Arletaz, il m'a vu à la fin du test physique, il m'a lancé un regard. Je me suis dit, ouais, ok, ça va être compliqué. Il m'a tué, il m'a fusillé un regard. Ouais. On faisait un test du 3000 mètres. Donc voilà, comme je vous disais que moi, je suis sur le foncier, c'est pas mon point fort. Il y a d'autres tests que je tolère mieux. Le 3000 mètres, c'est le pire. Donc c'était vraiment difficile. J'ai presque fini en marchant, quoi. Surtout que je m'étais pas préparé. Et là, il m'a dit, toi, mon kiki, le ballon, tu vas pas le voir tout de suite. Ouais. Donc ouais, j'ai fait du physique en plus le matin à 6h du mat avant d'aller m'entraîner. Je me suis remis bien et après j'ai joué en espoir. J'ai commencé à faire un peu des matchs en première. Et voilà, après, ouais, je sais pas. Après, sur les 2 ans, tu fais 5 matchs à Narbonne? Ouais, en tout, okay. Ouais. Première année, j'en fais 3, je crois, ou 2 ou 4. Et l'année d'après, j'en fais 1 ou 2. Ok. Mais la première année, donc, je suis arrivé, je me suis mis un peu des bâtons dans les roues tout seul, c'est-à-dire que je commençais à faire la bringue. À Narbonne, c'est petit, et le rugby, il a une place vraiment ultra importante. Donc, tout se sait, moi, je faisais le con, un peu des bagarres à droite à gauche, et bon, forcément ça n'a pas joué en ma faveur quoi. Derrière le club a des soucis financiers à la fin de la saison, ils sont obligés de se séparer de certains joueurs un peu cadres, notamment à mon poste, et bon, du coup je prends du galon sans avoir trop joué, oui. Au final, et je me souviens, il y avait un article, je m'étais fait tailler. L'article sur l'indépendance, c'était un effectif rikiki avec ma tête en photo. Il m'avait pas respecté. Mais bon, c'était marrant. Et donc, sauf qu'à l'intersaison, il y a des problèmes qui sont inhérents à pas mal de clubs. Il y a un souci financier. Le club redresse la barre, notamment grâce à, je crois, bon, je connais pas les détails, hein, oui. Moi je m'occupais plus du sportif. Hein. ça m'intéressait pas forcément, je voulais juste savoir si on allait rester en Pro D2 ou descendre. Donc des investisseurs italiens, je crois, australiens, ouais. qui reprennent un peu le club, mais qui mettent en place des entraîneurs, quoi. Donc le duo Richard Cassel, Patrick Arletaz, démissionne. Ouais. Voilà, alors que moi j'avais construit des choses au début, ils n'avaient pas trop confiance en moi, à la fin je voyais Richard qui était tout le temps derrière moi, qui me surveillait au gainage, des trucs, et je sentais que peut-être par défaut, mais ils avaient besoin de moi, quoi. Voilà, donc les Australiens arrivent et là les cartes sont redistribuées. Et c'était Matt Williams, je crois, qui était un peu le décideur, et bon, il m'a pas fait confiance, quoi. Donc voilà, ben, j'étais avec Jordi d'ailleurs cette année-là, et là c'est l'année où Jordi explose. On était en concurrence, ouais. Où Jordi explose, et Jordi il fait tous les matchs, il fait des super matchs en plus. Et voilà, moi j'ai joué, heureusement cette année-là, donc j'ai pas beaucoup joué avec les pros. Après voilà, donc moi je sentais qu'il me faisait pas confiance, j'ai jamais eu le courage de persévérer, je me suis dit ah ouais bon ben c'est bon. Ça c'est la troisième année ? Deuxième année. Ah ok. Ouais, deuxième année, je fais que deux ans donc là-bas. Donc tu laisses tomber entre guillemets ? Ouais ouais, c'était mon défaut ça, tu vois. Ouais. J'ai trop... Quand il y avait une difficulté, je me disais ouais, en gros je me disais ouais, c'est bon qu'ils aillent faire foutre. Ouais. Voilà, bon, c'était mon défaut, c'est aussi ce qui fait que voilà. Et donc cette année-là, je la passe avec les espoirs principalement. Je fais 2-3 matchs, ouais, je sais plus 2 matchs ou 3 avec les pros. Et en espoir, je suis capitaine, ça se passe trop bien, on vit une aventure humaine extraordinaire. Et on est champion de France, poule 2, espoir, avec La Rochelle, le Stade Français. Franchement, il y avait du monde. On était largement pas favoris et on les a tapés au cojones, quoi. Ouais. Et cette année-là, on était 2-3 joueurs, hein, et on s'est dit qu'il fallait insuffler aux autres qu'on allait être champion dès le début. On l'a répété, à la fin on était convaincu, quoi. Donc dès le début de la saison. Ah ouais, dès le début. Malgré les gros monde dans la poule. Ah ouais, ouais, franchement. Ouais. Je me souviens, troisième match, je crois qu'on va à Castres, on gagne à Castres. Et à la fin, il y a un journaliste qui me demande l'objectif de la saison et tout. Je dis, ben on veut être champion de France. Mais même pas, on veut. Il y avait Christophe Piboulou, l'entraîneur, je l'ai vu, il s'est mis les mains sur la tête quand j'ai dit ça. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et voilà. Donc on a fini par être champion de France, on avait des joueurs de qualité. Hein. On a eu quelques descentes des pros, il y avait Brendan Egarty, Sébastien Régis, qui est descendu un peu. Bon après il y avait Estariola qui avait joué pas mal, Rémi Véro qui avait pas joué, mais franchement c'était un bulldozer, en espoir il marchait sur tout le monde au centre. Il y avait Bertrand Rignac, qui était un vieux de la vieille, qui avait, je sais pas combien de matchs en Pro D2, qui avait été un peu blessé, deuxième qui était descendu et qui a amené de la rigueur et du combat de fou. Okay. Donc il y avait Gauthier Escalais, pareil, qui était. Il y avait pas mal de monde en Narbonne qui le voyait jouer en pro, mais ils n'ont jamais laissé sa chance, quoi. Ouais. Donc on avait une belle équipe, quoi. Et en face, on avait joué contre des belles équipes. Au Stade Français, il y avait Flancard, Slimani, Plisson. Alors Slimani non, il y avait Flancard. Il y avait Scott Lavala, je me souviens, parce que du coup c'était mon concurrent, mon vis-à-vis, quoi. Ouais. Et, c'était un joueur après, vous physique. Il y avait qui? Il y avait Danti, il y avait Plisson en 10. Ouais. Il y avait Bonneval. Bonneval, je me souviens pas, je crois pas qu'il y était. Je sais pas s'il jouait ou. Ouais, il y avait Briat, il y avait mon frère. Il pas marqué. Ouais, il y avait ton frère, exact. Il y avait ton frère. Vous avez joué à Issoire. C'est ça. Et moi je me pète à l'échauffement sur ce match. Ok. Ouais. Je me pète sur ce match. Quoi donc? Je me déchire un des muscles des adducteurs. Ok. Je me déchire de 6 cm. Et je peux pas jouer. Et donc tu étais un des leaders du groupe rugbystique et au niveau du charisme également. Ouais, je pense. Bah oui, ils ont oui, je dit pense, pour toi pour éviter que tu fasses la roulade. Ouais, je pense. Et du coup, il se vit comment l'avant-match? Vas-y, c'est vrai, je me rappelle. Mais là, c'est un parlé. Truc de fou. Ouais. Là, franchement... Ben moi je prends sur moi, je au bout d'un moment j'essaie d'accélérer, je me dis la jambe elle va se décrocher, quoi. Je me dis non mais je peux pas. Donc là je rentre au vestiaire dépité pendant que les autres s'échauffent, ils me regardent, ils savent pas. Je rentre au vestiaire et là il y avait donc Walid Bachali qui était. Il y avait William Wavrin qui était remplaçant et Walid qui était en attente. 24e, ouais. Voilà, ouais. Donc William attaque et Walid rentre quoi. Et je me souviens, Walid est venu me voir et j'ai senti que c'était honnête, tu vois, il était presque deck de jouer mais qui m'a dit t'inquiète. Ouais. Voilà, franchement ça m'a touché de ouf. Et c'est juste après ça que dans le vestiaire, après j'ai fondu en sanglots, quoi, mais un truc de fou. Je voulais pas, je suis pas comme ça, je pleure jamais, moi. Et là, j'ai regardé les têtes des mecs et tout, je me suis dit, putain. Parce que il faut se rendre compte qu'on avait vraiment une équipe cette année-là, mais humainement, c'était un truc de fou, quoi. Genre, on faisait des bringues, on était 25. C'était méchant. Il y avait Thibaut Depanne qui était pour beaucoup, Gauthier, Quentin Jeunesse, Lélier, ils étaient pour beaucoup. Franchement, on faisait. C'était la folie. C'était eux qui organisaient, qui fédéraient le plus, tu vois. Mmh. Moi, un peu peut-être avec eux, et tout le monde suivait, kiffait. On avait un groupe, mais énorme, les entraîneurs. Seb Longereau, Christophe Pibouleux, et Santa Catalina. Franchement, c'était le feu. Santa, c'est l'entraîneur dont tout le monde rêve, lui. Je te dis jamais, non les gars, là vous abusez. C'est lui qui abuse, tu vois. C'était énorme. Voilà. Franchement, c'était vraiment une saison de fou. Donc là, il y a tout ça qui ressort. Je me dis putain. Et derrière, on devait jouer la finale la semaine d'après, quoi. Ah, c'est la demi contre. Ouais, donc je me dis, ben. Ah oui, il y a Biarritz là. Parce que je me dis, ouais. Je me dis, mais même s'il gagne, c'est mort, je la ferai pas la finale. Mmh. Donc je suis dégoûté, ouais. Je suis au plus mal. Et là, derrière, je sais pas, je prends la parole, mais j'arrive pas à parler, tu vois. J'arrive pas à parler, je pleure et tout le monde pleure, oui. Et là tout le monde rentre, mais transcendé. Des gladiateurs, quoi. Et je me souviens, dans mes souvenirs, Christophe Hiboule, l'entraîneur, qui m'a dit franchement, je crois que c'est à ce moment-là que le match il a été gagné, en fait, après avec le recul. Donc derrière, retour, il y a donc Max Guazzini qui avait accompagné, qui était très proche des espoirs apparemment, qui les avait accompagnés et tout. Porte réclamation sur le match parce qu'on avait 3 pros. Mais finalement, on était dans les clous. Donc cette réclamation a fait qu'on a joué le match une semaine après. 2 semaines, ok. 2 semaines. Donc j'ai eu 2 semaines pour me soigner une déchirure aux adducteurs de 6 cm. Normalement, ça prend 6 semaines. Hein. En général, c'est 1 cm une semaine. Après, ça dépend de la profondeur des fibres touches, etc. Mais en général. Mais toi, tu nous as fait ça en 2 semaines. Non, ouais, ah. Non, mais j'ai commencé dès le retour dans le bus à mettre de la glace. À mettre de la glace, je sais plus ce qu'il m'avait fait. J'avais fait t'avais été hyper rigoureux. Ah, mais de fou. Je crois que pendant les 2 semaines, j'ai mis de la glace toutes les 4 heures. Ouais. Genre la nuit et tout. J'étais comme un dingo. Et je me disais, ça va le faire. Ouais, tout le monde avait un discours positif autour de moi. T'inquiète, ça va le faire. Il y avait un prépa physique qui était une machine, putain, j'ai oublié son nom, je suis deg. Parce que du coup, je l'ai pas côtoyé ultra longtemps, je l'ai côtoyé que pendant cette période de phase finale. Mais putain, il avait été au top du top avec moi. Et c'est lui qui m'avait strappé, c'est lui qui m'avait fait reprendre progressif avec des appuis, des trucs. Et finalement, j'ai pu jouer la finale contre La Rochelle. Voilà, j'ai joué la finale contre La Rochelle. Pareil, La Rochelle, c'était épais. Il y avait Antonio, il y avait du monde, je sais plus. Après moi, les stades français, je reconnais parce que j'ai des potes en commun avec eux, mais je regarde pas trop, je me souviens plus des noms. Mais il y avait du monde, franchement, il y avait du monde, c'était la meilleure équipe. Et là, on les prend, franchement, dans le combat. Mais c'était n'importe quoi. Genre, début du match, je prends un jaune à la 45e seconde. Ah. Ouais. Je prends les gens dans la 45e seconde, tous ont été remontés, Estériola, Kiki, le talon, c'était un animal. Il mettait les doigts dans les yeux à tout le monde, il tordait les doigts à tout le monde dans tous les recs. Thibaut Depagne, méchant comme la gale aussi. Enfin, devant et derrière, on était safe, on avait une ligne de défense. Avec Reg qui met des tubes, des douilles de l'espace, il a toujours mis des douilles. Franchement, il a un corps de traître, mais il a toujours mis des douilles gros, mais j'ai jamais vu ça. Comme il faisait mal au mec. Il y avait Rémi Véro, je crois, au centre. Pareil, tu te connais. Et il y avait Brendan Egartier à l'aile, c'est un chien poubelle. Il perd jamais un centimètre sur personne. Enfin voilà, on avait une défense monstrueuse, une grosse conquête, et on était méchants. Voilà. Et Gauthier qui enquillait tout. Gauthier qui a toujours tout enquillé toute l'année. Mais un truc de fou et qui a animé le jeu à la perfection. Et voilà. On avait des mecs plus forts que nous en face, mais on avait peut-être un collectif meilleur. Ah ouais, et l'entraîneur de La Rochelle avant la... Ça, c'est des trucs qu'on entend souvent, hein. Mais la semaine avant le match... Attends, avec l'avion, on va vraiment... Ouais. On prend trop les sons comme ça, là. Ouais, donc vas-y. La semaine avant le match, l'entraîneur de La Rochelle qui a fait une erreur, mais... Quelle erreur. Il a dit... on les a déjà joués. Franchement, si on fait ce qu'on sait faire, en gros, ça devrait rouler, quoi. Là, on a vu ça. Je crois que le lendemain, l'entraînement, on est 10 à l'avoir ramené le papier. De vous-même, ouais. Je dis, ils sont sérieux. je vais pas employer des mots, les mots qu'on a employés, mais là, là, ils sont sérieux, gros. Et voilà, et puis après, voilà. Donc, ça a été la motivation. Ouais. Ouais, et puis on les a. On peut le remercier quand même. Ouais, on peut le remercier, ouais. Ouais, c'est pas des trucs qu'il faut faire, ça. T'es sûr que tu remontes, surtout une équipe avec le tempérament qu'on avait. S'il fait pas ça, peut-être qu'on perd. Hein. Mais oui, franchement. Vois. Et voilà, après. Donc, ça, une super. Ouais, de fou. Super année. Ouais. La plus belle année humaine. La plus belle saison. C'est difficile parce que là, récemment, j'en ai vécu une bien l'année dernière aussi. Ouais, et puis après, t'arrives au Benin aussi. Ouais, au Benin, j'ai kiffé. Où y a la création du... Voilà, donc ouais. Là, Narbonne, ben, c'est un peu un échec parce que j'ai pas trop enquillé en Pro D2. Il y a 3 ans avant, je me voyais jouer en top 14 après la Coupe du Monde. Là, finalement, je suis en Pro D2, ben, je joue pas. Je me dis, bon, je revois 2 fois mes objectifs à la baisse et là, j'arrive en fait d'une. Et dans faut un savoir... club qui monte de fait 2. Voilà, dans un club qui monte de fait 2. Mais faut savoir que nous, quand on est jeune et qu'on fait le pôle espoir et tout, et on a tort, hein, mais on se dit, on jouera jamais en fédéral 1, c'est de la merde et tout, mais c'est con ça. Et du coup, à chaque fois, tu prends un coup au moral, alors que Fédéral 1, c'est un putain de niveau en fait. Mais peut-être qu'à l'époque, je sais pas. Non, mais le truc, c'est que quand on était au pôle, voilà, ouais. Il n'y avait pas tant de stars comme ça ouais, en top 14 et en Pro D2, donc il y avait bien plus de Français. Ouais. Et bien plus des mecs comme nous, bons, mais pas forcément hyper over méga talentueux. Ouais, je sais pas. Là, aujourd'hui, les Français. Et je te dis, c'est un constat, jouent, ça. Ouais. J'en ai parlé avec beaucoup de potes et ils étaient d'accord avec moi. Ils disaient, ouais, on se prenait pour qui, quoi. Même parce qu'on avait cette génération-là ouais. Et on avait cet exemple-là. Mm. Aujourd'hui, tous les gamins que t'entraînes en moins de 14, ils veulent être pro déjà, ouais. Et ils voient tous jouer. Ouais, c'est sûr, après voilà. Tu vois, les minots qu'on a connus au Bena, ils seraient ravis de jouer en fédéral ouais, plus c'est tard, clair, hein, c'est dans après, ça dépend du parcours, du contexte et du discours que t'as autour de toi, je sais pas. Mais bon, bref, et, du coup, je me dis, je vais en fédéral 1. Ouais. Je me souviens, j'avais longuement discuté avec Jean-Pierre Grand à Narbonne. C'était qui ? C'était l'ancien président. Il faisait partie du bureau directeur de l'ASSO. Il y avait l'ASSO, l'ASA oui. à Narbonne. Et c'était un mec, c'est lui qui m'avait fait venir. Et c'est un mec avec qui j'avais une bonne relation mmh. Et qui avait été là pour moi, quoi. Et qui était un peu déçu que je parte. Qui lui, il voulait que je joue avec les pros, tout ça. Et il m'a dit, attends, on va te trouver un club et tout. Et il m'avait remis en contact avec un agent avec qui j'avais déjà travaillé, Marco Carrère. Travaille pour Progby avec, je crois, Blorville et Sestaro. Et c'est Marco qui me met en contact avec Marc Reynaud. Marco, ouais, pareil, c'est une longue histoire, j'étais longtemps avec lui. Bon, bah là, je suis plus avec lui parce que le rugby, c'est un peu zien, quoi. Je joue pour le plaisir. Et voilà, donc Marco qui me met en contact avec Marc Reynaud. Et Marc Reynaud, ben, franchement, ça passe direct. Ça passe trop bien. Bon, après, je connais le joueur qu'il a été. J'apprends à découvrir l'homme. On se rencontre une ou deux fois. Et derrière, je signe plus pour Marc que pour le club, quoi. Oui. Parce que je connaissais pas encore l'histoire du club. Honnêtement, quand je suis arrivé, je m'étais pas renseigné. Je savais qu'il venait de Fête 2, que Marc avait un projet ambitieux et que le club suivait, que j'avais entendu des noms qui étaient recrutés. Au niveau des joueurs, je me suis dit, bon, ça peut être cool, quoi. Je vais essayer de me faire un an en Fédéral 1, de bien figurer et essayer, pourquoi pas, de remonter en Pro D2. Voilà. Du coup... C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, ouais. J'arrive à Obena, j'ai allé 2-3 matchs quand même pour m'adapter. Parce que niveau Pro D2, j'avais jamais figuré vraiment. J'avais fait des bouts de match, j'avais fait un seul match titulaire. Donc tu peux pas acquérir le niveau avec aussi peu de temps de jeu. Donc en fait, mon réel niveau, c'était le niveau espoir. Et bon, j'arrive en fait d'une, c'est un peu plus âpre devant, je me fais un peu bousculer. Et ouais, j'ai 2-3 matchs pour m'adapter, je me souviens voir qu'il me l'a répété pendant longtemps, il m'a dit au début. Ouais. Voilà, et après ça se passe bien. Là, j'étais avec Soso. Ça se passe bien. Saison compliquée mentalement parce que on n'arrive pas à chaque fois, je sais pas, c'est arrivé 6 ou 7 fois dans la saison, un match, on fait un nul, on perd un point alors qu'on a le match dans les mains. Ça rendait fou. Et du coup, on finit quoi? On finit 5e, je crois, non? Ah, on perd à un point de la Seine qui est 4e ou ex-aequo et au Colavérage, je sais ça plus. Ça se joue le dernier match, la Seine Lavore, un truc comme ça, avec une pénalité. Ouais, voilà, bref. On a failli se qualifier alors qu'on venait de monter, quoi. Ouais. Avec un groupe de jeunes, il y avait Bastien Maru, Cyril Andreu, Nicolas Elmer, Soso, moi, Rémi Véro, Nico Roland, Malavar, Paco, Jim Malavar, Gauthier. Gauthier, ah ouais, exact, Gauthier qui vient avec moi de Narbonne. On était en coloc, on est venu ensemble aussi là. Irazuki. David Irazuki. Ouais. Bon, j'en oublie certainement. Mmh. Après, il y avait les mecs d'Aubenas qui étaient déjà là, et Xav Platavé. Mmh. Cisco. Et Nobru, ouais, il y avait Romu. Bon, bref, il y avait. Ça, c'est les plus anciens, ça, c'est pas les jeunes, ça. Et voilà, c'était une bonne saison. J'ai appris plein de trucs. J'ai loué une relation un peu particulière avec Marc, je m'entendais trop bien avec lui. Et voilà, et puis derrière, Marc, il me fait re-signer. Il me fait l'offre. Je la signe, je lui donne. Et là, je vais chez ma copine, chez Camille à Montpellier. Et là, j'ai un appel. Ouais, Jérémy, salut, c'est Laurent Mignot. Je croyais que c'était une blague au début. Je dis, c'est qui l'enculé qui me fait ça? Je dis, vas-y, je rappelle. Je le rappelle. En fait, ouais, c'était le manager de Bourgoin qu'on a vu dans la poule en fait d'un qui montait en Pro D2 qui m'appelle pour me recruter. Mon petit frère jouait à Bourgoin à cette époque. Il lui avait déjà dit dans l'année, ton frère et tout, il a été bon cette année contre nous. Je sais pas si on cherchera des trois lignes et tout, mais je le mets dans ma liste. Mon frère, il m'avait dit ça vite fait. J'y pensais même plus. Et bon, finalement, il m'appelle. Et moi, je suis trop chaud. Et là, j'ai dit, putain, mais il y a deux jours, j'ai donné le papier à Marc et tout. Et là, j'appelle Marc. Je dis, ouais, Marc. Ah ouais, j'étais blessé. Je m'étais battu. Je m'étais cassé la main sur un crâne. Et du coup, je dis à Laurent Mignot, je savais pas quoi lui dire. Je lui dis, je suis tombé en vélo, je crois. En roller, ouais. Il me dit, non, mais c'est pas grave, tu reprends quand? Et je reprenais mi-juillet. L'entraînement reprenait début juillet. Donc il m'a dit, c'est bon, tu seras opérationnel et tout. Je lui dis, ouais, pas de problème. Mais je lui dis direct, quoi. Je voulais pas faire de. Ouais. Il me dit, malgré ça, ok. Ok, très bien, je le rencontre, on discute. Pareil, putain, ce mec, j'adore son discours. Il était au top, quoi. Et donc je me dis, allez, je signe, ouais, Marc, je l'appelle, je lui dis, ouais, il y a Bourgoin, il me dit, bon, on réfléchit. Mais franchement, très bienveillant, il me dit, écoute, moi, le truc, je ne l'ai pas encore donné au président, c'est pas encore signé, t'es pas bloqué. Réfléchis, moi, je vais te dire ce que j'en pense, il me donne son avis. Mais moi, je pense qu'il faudrait que tu fasses encore un an avec nous. Alors là, t'es blessé, tu vas arriver en Pro D2, l'intensité, c'est pas la même, il va falloir que tu te prépares mieux, nani, nana. Et je ne l'ai pas écouté, j'aurais dû l'écouter. Après, moi, j'avais toujours peur de me dire, il fait ça pour me garder. Mais bon, je pense que pour le coup, il avait été vraiment bienveillant. Et je ne l'ai pas écouté. Hein. Voilà, j'ai voulu aller en Pro D2 parce que je voulais jouer au plus haut niveau et je voulais remplir mon contrat de me dire, je fais un an en fait, je remonte. Oui. Et j'arrive à Bourgoin blessé, pas très en forme du coup. On fait de la prépa physique quand même intense avec Mourad Abed, franchement, qui est un super prépa. Qui d'ailleurs est prépa à Castres, je crois, maintenant. C'est l'ancien judoka, c'était un super prépa. Du coup, je l'ai beaucoup côtoyé cette année-là. Que j'ai été blessé toute l'année. Et donc j'arrive au moment où le poignet, ça va, ouais, c'était le méta, cinquième méta, je m'étais cassé. Où le poignet revient, je me déchire l'ischio. Je me déchire le biceps fémoral et j'en ai pour un moment. J'en ai pour un bon moment. Je fais un bon boulot avec les kinés, genre Cybex, renfort de fou et tout. Derrière, j'ai l'ischio en béton. Plus de problème, je reprends donc avec les espoirs, je fais quelques entraînements avec les pros, parce que moi du coup j'étais pro là, mais je reprends du coup un match en compétition avec les espoirs, forcément, oui. Logique. Je crois que je fais un match qui se passe bien, deux matchs, le troisième match, je plaque un mec et il y a un coéquipier qui le plaque en même temps en prenant en porte-à-faux mon coude. Il m'amène le coude en hyper-extension mais violent. Et je me subluxe. Le coude, une des deux articulations du coude, voilà, donc là je repars pour, j'ai le coude en feu, je me soigne, nani nana, derrière j'enchaîne blessure sur blessure, je sais plus ce que je me fais d'autre. Oui, une année blanche. Ouais, une année blanche, j'ai fait zéro match avec les pros et à chaque fois que je reprenais en espoir, je me faisais mal, quasiment. Bon, après il y a eu des périodes où j'aurais pu me lancer, mais bon, forcément je pense que j'étais fébrile, voilà, donc j'ai jamais joué. Et ouais, c'était une année vraiment compliquée, celle-là. Et voilà, derrière, dernier match, où ils font aller avec les espoirs, on va à Dax avec les espoirs. Et les espoirs, en fait, c'était l'ancienne B de l'année dernière qui avait été championne de France aussi. Et je crois qu'ils attendaient une prime qu'ils n'avaient pas eue, donc ils faisaient un petit peu la grève. Je jouais avec mon frère à cette époque-là. Ok. Qui a quel âge? Qui est de 93, on a 5 ans d'écart. Voilà. On a 5 ans d'écart. On habitait ensemble, d'ailleurs. Et là, on va à Dax, mais avec une équipe de mecs qui n'ont pas envie ou de mecs qui sont carrément pas levés, quoi. Ouais. Ce que je comprends, je les juge pas. Et bon, du coup, moi, je me retrouve là, je sais plus quel âge j'avais. 24-25 balais, je suis pro, je vais à Dax avec les espoirs, avec des mecs qui n'ont pas envie, je sais que je vais en prendre 50, c'est compliqué quand même. Et derrière, on joue contre une équipe de Dax qui pourfend. Au bout de 5 minutes, il y a 20-0. C'est un truc de fou. Et au moins dans un but, je plaque un mec et il me branche, il me met la main sur la tête, il m'écrase la tête par terre, il me dit ah, c'est bien, tu reviendras, un truc comme ça. Et là, je me suis levé, je me suis bagarré jusqu'à ce qu'on vienne me dire d'arrêter. Mmh. Voilà, je me suis recassé la main. Parce que voilà, on en a parlé tout à l'heure un peu de ton profil, mais t'es aussi un impulsif. Quoi, ouais, un peu, ouais. Maintenant ça va mieux, mais avant, ouais. Ouais. Donc tu t'es battu très souvent dans ta carrière, ouais. Sur les terrains, comme en dehors. Ouais, comme en dehors, ouais. Donc. Ouais. Il y a pas mal de blessures à cause de ça, ouais, aussi. Grave. Ouais, voilà, ouais. Des blessures, ouais. J'en ai infligé, mais j'en ai eu aussi. Ouais. Et ouais, souvent. La main gauche. Ouais, souvent au niveau de la main ou du coude. Et voilà, après. Donc tu repars sur une blessure en fin de saison. Ouais, et voilà, je repars sur une blessure de merde. Ouais. Qui m'emmerde, oui et non, parce que c'était tôt quand même, c'était okay. Fin mars, c'est ça. Oui, oui. Donc là, je vais dans le bureau voir Laurent Mignot, qui a été au top. Je lui dis, franchement, Laurent, saison horrible pour moi. Il dit, ouais, je comprends. Je lui dis, ouais, est-ce que, voilà, je vais profiter de ma convalescence. Voilà, je vais me mettre en arrêt, parce que c'est normal. Et donc, du coup, voilà, vous avez, c'est la sécu, quoi. Est-ce que je peux, juste, je viendrai faire acte de présence, mais je vais commencer à me préparer pour la saison prochaine, je retourne à Aubenas. Il m'a dit, écoute, pas de problème. Voilà. Derrière, Marc Reynaud, il avait été là présent toute l'année, à me dire t'inquiète pas, ça, parce qu'il voyait que ça ne le faisait pas, il m'appelait régulièrement, bon pas toutes les semaines, oui, mais oui. Il m'appelait régulièrement et il m'avait dit t'inquiète. Tout margoulin qu'il est, il me disait bon ton contrat il sera moins que l'année dernière, mais tu peux revenir. Voilà, et il a été au top franchement, du coup du je suis coup, revenu. T'as quand même eu beaucoup de bonnes relations, des relations particulières avec tes entraîneurs. Pas tant que ça. Hein. Ah bon ? Jeune, ouais. Ouais. Après, à part Marc, parce que j'ai toujours eu un rapport à la hiérarchie un peu, je sais pas si c'est dû à mon éducation, mais les entraîneurs, j'osais pas. Je suis quelqu'un de très entier, très franc, oui. Qui parle, qui dit tout le temps tout ce qu'il pense. Avec les entraîneurs, j'ai toujours eu tendance un peu à en dire moins. À en dire moins. Et je pense qu'à Bourgoin, peut-être que si j'étais allé voir Pascal Perron et que je lui avais dit que ça m'emmerdait de pas jouer, que je voulais jouer, il y a des moments où peut-être que j'aurais joué, tu vois, mais je n'ai jamais su le faire, j'ai pas eu les couilles en fait. Ok, parce que ça aurait été trop d'un coup. Ouais, je sais pas. Trop violent. Non, pas du tout, c'est que je sais pas, j'avais ce rapport à la hiérarchie. C'est quoi ce rapport que t'as ? Je sais pas, je suis trop respectueux, je reste trop à ma place. Ok. C'est bizarre, c'est contradictoire avec comment je suis. Tu donnes méga, franchement. Ouais, par contre, ouais. Okay. Voilà. Et du coup. Voilà, donc après Marc, voilà, nickel, ça se passe trop bien, je reviens à Aubenas, je fais une saison un peu moins bonne que la première parce que pareil, un peu blessé, toujours le fil rouge, les blessures, là c'est la cheville, je me souviens, je rate les phases finales contre Aix à cause de la cheville, je re-signe malgré tout, et là je fais une saison, je me souviens même plus de cette saison. La deuxième, hein, ouais. On perd contre... Non. Ah ouais, putain, horrible. Ouais. Ah ouais. Ouais, en fait, l'objectif c'était la Pro D2. Donc nous on fait toute la saison. Derrière on se retrouve pas qualifiable pour la montée, c'est ça? Non, il y avait la poule des 6. Il y avait que 6 mecs qui montaient. Et ah ouais. 7e ou 8e. On était 7e, ouais, c'est ça. Et on a attendu pendant longtemps l'histoire des photographes avec Angoulême, ouais, je me souviens. Ça. Et on y croyait jusqu'au bout. Et c'est le jeudi avant le match qu'on sait que finalement on joue l'avant. Et là. Moi en plus je me souviens, j'avais fait la promesse aux supporters qui m'avaient demandé qu'on allait jouer le truc à fond. Oui. La coupe Mickey, voilà. Et la coupe Mickey à fond, ouais. Parce que quand même ils venaient. Je me souviens, il y avait un supporter qui m'avait touché, un grand là, je sais plus comment il s'appelle, un grand très costaud, Soso. Il était tout le temps là. Je sais plus son nom. Avec Benny. Non, il m'avait dit parce que nous on n'a pas trop les moyens, on va venir, on paye et tout. J'ai dit putain. Et j'avais essayé de le dire à tout le monde, mais je voyais que. Tout le monde disait cassé, ouais, là. Mais il disait ouais, on va s'y filer, mais je sais pas. Un truc s'était cassé ouais. Cette année-là. Et ouais, non, moi je suis remplat là-bas. On perd. Non, on fait match nul. On fait match nul, ouais. Et je me souviens, Marc, je sais plus, genre, il était venu me voir, il m'avait dit qu'il avait regretté de me mettre en plat. Mmh. Parce que j'avais fait une rentrée, du moins dans l'intensité. Et j'avais joué à la maison. Et putain, je me souviens, j'avais la haine de perdre ce match. Et c'était le moment où le président il se posait la question de me garder parce que j'avais trop de cartons ou je sais pas. J'avais pris trop de cartons, bon bref, moi je sais que la vraie histoire c'est pas ça, mais parce que j'avais trop de cartons, naninana. La vraie histoire c'est... il y a un autre acteur de cette histoire qui s'appelle Rour. Et bon... Alias la truite. Il le sait. Il sait que je sais. Et voilà. Et donc du coup, au dernier moment, bon Marc, dans cette histoire, il a été un peu pris au piège, je pense. Oui, au début j'en ai voulu à Conrad fond, alors que bon, Conrad c'est en fait c'est celui qui a porté ses couilles et qui a assumé, qui m'a dit ce qu'il en était quoi. Ouais. Parce que Marc après je le comprends, il voulait peut-être pas me blesser mais il m'a laissé croire jusqu'au bout, du coup j'ai perdu un temps fou pour trouver un autre club quoi. Il y avait des clubs avec qui j'avais été en contact et qui avaient du coup été plus intéressés. Voilà, après du coup je me fais mettre en contact avec un autre agent, c'est William Vavrin je crois qui me présente et il m'envoie à Nantes. Donc Nantes qui monte aussi ouais, avec un putain de projet, sur le papier du moins, avec un beau projet, un gros bassin économique. Il y a 3 ans c'est bien. Ouais, un club qui a déjà écrit des belles lignes et qui veut en réécrire et voilà, du coup je vais là-bas. Et dans la continuité ça se passe pas top. À toi humainement avec juste une personne, sinon j'ai rencontré des mecs énormes, la ville était top, je m'y suis plus en fait, oui. J'ai juste eu un problème entre moi et le président, voilà, et derrière donc de ça, là, ça se finit mal, je pars au mois de mars, je me casse, prud'homme etc, voilà, d'ailleurs j'ai gagné au prud'homme là. Du coup, j'arrête, je rentre chez mes parents à 29 ans. 28 ans, 29 ans, 29 ans. Je rentre chez mes parents, j'ai 29 ans, je suis là, carrière en bande de scie, je joue à un niveau un peu intermédiaire, je me dis putain c'est bancal. Bah, peut-être que moi aussi je suis bancal, hein, mais c'est bancal, putain il faut que je trouve un truc à faire quoi. Et là, je vais à Château, voir Château hier, fête 2. Et je crois d'un collègue, un pote avec qui j'étais au pôle, César, de la rue. Je dis ça va et tout, qu'est-ce que tu fais? Il me dit je suis en école de kiné. Je dis ah ouais putain, c'était gavé. Je lui dis putain, comment t'as fait avec le rugby pour faire la première année de médecine et tout? Parce que ça m'a toujours plu, moi j'ai toujours voulu être kiné, mais j'ai pas eu les burnes de faire l'année de médecine avec le rugby et tout. Ou le concours qui était quasiment aussi dur. Hein. Et il me dit non, mais c'est une école privée, nani, nana, il m'explique, bref. Et, du coup j'allais faire la brigue avec les potes de Château, je suis rentré chez moi, je me suis mis sur l'ordi, je dis vas-y je m'inscris. Ok. Voilà, je me suis inscrit, j'ai pas lâché l'affaire, je suis rentré dans cette école. Et là je viens de finir ma deuxième année, là j'ai tout validé, il me reste 2 ans. Dans 2 ans je suis kiné. Ok. Voilà. Et voilà. Donc ça, et cette année, après Nantes tu vas jouer où? Là je vais jouer à Château. Ouais. Ça faisait des années que je me suis dit il faut que je fasse un an à Château. J'étais tout le temps en contact avec Daniel Saubier, qui est l'icône de Château, qui était... à son âme, il est mort au mois d'octobre là. Et donc voilà, ça faisait longtemps qu'il voulait que je revienne. Moi je voulais revenir, je voulais refaire une pige avec mon frère chez moi, au village, là où mon grand-père il nous amenait quand on était petit, avec mon père et tout. Enfin voilà, ça avait une valeur vraiment particulière à mes yeux, donc j'y vais. Je fais la saison, j'habite à Montpellier, je joue à Château Renard et je vais à l'école à Béziers. D'accord. Donc année de fou. Avec les révisions, les trucs, je m'y replonge, des matières que j'avais jamais fait moi à l'école, biochimie, des trucs comme ça. Année vraiment de malade, je me suis sorti les doigts et j'ai pris des cours de soutien et tout, j'ai tout validé nickel. J'avais fait un deal avec le directeur que si j'avais des bonnes notes, il pouvait me basculer à l'école de Toulon. D'accord. Parce que je voulais jouer, j'avais failli signer hier aussi l'année d'avant, et du coup je voulais rejouer en fait d'une quoi. J'aurais aimé monter avec Château, c'était mon rêve, mais à cette époque il y avait des équipes qui étaient bien plus fortes que nous, Nice, Béda. Et franchement, sur un match à la maison, Béda on a réussi à les battre. Oui. Voilà, parce que c'est Béda et que c'est Château et qu'on pouvait pas perdre quoi. Mais tu les joues 2 fois, sur terrain neutre, tu perds 2 fois. Ouais. Voilà. Nice pareil, encore pire, Nice, c'était l'armada mon pauvre. On les a joués 4 fois, on a perdu 4 fois dans l'année, 2 matchs amis. Non, ok, 4 fois. On a 5 fois je crois. 2 en régulière, 1 amical et 2 en phase finale. Ah, oui. On a perdu 5 fois. C'était pas jouable. Et d'ailleurs, ils montent et cette année, ils finissent presque. Troisième. Pendant un moment, ils jouaient la montée en la Pro D2, quoi. Voilà. Cette année, Château est monté, donc je suis très content. Parce que c'est Daniel qui avait commencé ce projet avec eux et tu vois, il est décédé cette année et il monte, donc c'est un bel hommage. Oui. C'est les collègues du village et tout, franchement, je suis trop content. Et voilà, donc moi je fais la saison à hier toujours pareil, encore une fois les blessures. Bon, hier ça se passe trop bien, il y a plein de mecs que je connais, des potes et tout. Le manager Greg, je m'entends bien, les entraîneurs Steph et Manu, ça va nickel. Et voilà, je me pète avant le premier match, un match amical avec la B. Et je me fais un arrachement osseux au pied, derrière je reprends un peu trop tôt. Un peu trop tôt, et je joue avec un demi-pied en moins à Villeurbanne, je fais un match horrible. Enfin, on n'a pas été bon collectivement, mais moi en plus, personnellement, j'ai pas été bon du tout. J'ai le pied, il est gonflé terrible, sans l'échauffement, j'arrivais pas à tourner. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué, je me suis dit, allez, je le fais au mental, c'est bon. Sauf que mental, oui, mais je fais un départ de mêlée du mauvais côté par rapport à l'arc de cercle que je devais faire par rapport au pied. Je me fais arracher le ballon par les neuf, laisse tomber. C'était horrible. Et derrière je me réarrête pour bien me soigner, je me soigne bien, je revois le doc, on met un bon plan de traitement, nickel, je reviens nickel. Je me réentraîne avec le prépa Anto Serpente, oui. Que du coup aussi, pareil, j'ai beaucoup côtoyé, qui a été vraiment top. Et derrière, sorti, je sors, et en rentrant, je suis passager dans une voiture et on a un accident. Je me casse la clavicule et quatre côtes. Clavicule en trois fragments, plaque en métal, quatre côtes, bam, nickel. Et derrière, ben voilà, j'ai pas encore repris. J'ai pas encore repris. Et bon, du coup, je fais un match 60 minutes dans l'année. Donc bon, je suis pas gardé. Et là, tu t'es engagé. Derrière, heureusement, la Seine me contacte parce que j'étais à deux doigts d'arrêter, tu vois. Je vais arrêter. Bon, la Seine me contacte. L'année d'avant, j'avais failli aller à la Seine. Franchement, à la base, j'avais vraiment envie d'aller à la Seine. Mais ça a pris un peu plus de temps que hier parce qu'ils avaient d'autres trucs à gérer. Et moi, j'avais pas le temps, en fait. Oui. Parce qu'il me fallait l'école. Camille, elle avait le boulot. Et du coup, ben, on n'avait pas le temps en fait. Ouais, totalement, il voilà, faut prendre quand ça se présente. Donc j'étais pas obligé parce que c'était très bien, mais j'ai signé hier. Parce qu'en plus, j'avais été en contact avec eux l'année d'avant, bref. Voilà. Et là, cette année, je vais signer à la Seine. Franchement, je suis content. Hein. Franchement, je suis très content. Très très content. Et j'espère qu'on va être en fait deux. Parce que du coup, ils sont descendus sportivement, mais apparemment on attend, on sait pas, mais bon. Moi je pense que c'est peut-être pas plus mal d'aller en fait 2 et de reconstruire sur des bonnes bases, jouer la montée, pourquoi pas peut-être un titre, parce que s'il y a l'engouement qu'il y a eu dans le groupe l'année dernière, les supporters, les entraîneurs, tout ça comme c'est déjà, mais oui. Moi je pense que franchement on peut logiquement et sans prétention envisager d'essayer d'être champion. Hein. Après on sait que ça joue sur des détails, mais... Voilà. Et comment un mec qui a fait équipe de France au moins de 20, surtout 10 ans après en fait de Dieu. Ah ben ça c'est... je sais pas. Donc il y a le facteur blessure, il y a le facteur carrière en Dancy. Ouais, il y a le facteur blessure, il y a le facteur... il y a le facteur... Le facteur 809, il dit kéké. Non, il y a le facteur... peut-être aussi manque de sérieux, de rigueur. Hein. Je pense, ouais. Il y a le facteur qu'au bout d'un moment, quand j'ai vu les sacrifices qu'il fallait faire pour jouer au plus haut niveau, ben, ça va peut-être pas trop attirer, tu vois. Ouais. Après aussi, il y a des moments où je me suis senti pas au niveau. Hein. Franchement, hein, c'est pas. Puis j'ai pas envie d'avoir le discours du mec de comptoir qui dit ah, putain, moi, j'ai joué avec lui, j'aurais pu faire ci, ça. Ah, j'ai fait ça, c'est que je devais faire ça. Ouais. Tu vois. J'ai envie de profiter du moment. Ouais, voilà. Moi, en plus, j'ai eu du mal à gérer cette transition jeune senior. Ouais. Je l'ai pas géré. Pourquoi ? C'est-à-dire que j'étais le champion, moi, quand il y avait des tests à faire sur une journée et que je fallait que je crève les mecs et que je sois meilleur que sur une journée, j'ai toujours été fort. Ah ok, pour l'espoir, pour les sélections. Ouais, j'étais bon en jeune, on était noté de temps en temps, on savait à peu près quand on allait nous noter, j'étais bon. Quand il y avait une journée de détection, je mangeais les mecs, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand il a fallu être performant, rigoureux tous les jours, toute une année, ceci, cela, j'ai jamais géré. Ok. J'étais pas fait pour ça. Ouais, c'est pas ton tempérament. Et puis j'ai vu aussi des trucs en pro, les mecs qui se regardent, qui sont là, qui se comparent, ceci, cela. C'est pas la même ambiance. Et ça m'a pas plu. Ok. Et c'est quoi l'ambiance? Et aussi certainement que j'avais pas le niveau. Hein. C'est clair et net. Hein. Et l'ambiance qui me plaît, c'est les collègues, c'est rester ensemble après les matchs, hein. Se motiver ensemble, je sais pas, c'est tout ce que fédère le rugby à côté du terrain et qui du coup se retranscrit grave sur le terrain, tu vois. Quand t'as des collègues à qui tu t'entends vraiment intimement, que tu t'entraides, que je sais pas, lui, parce que tu joues avec lui, c'est ton pote, on fait une soirée, il a pas de sous, mais viens frérot, c'est pas grave, tu vois. Moi on me l'a fait, je l'ai fait à d'autres, c'est comme ça. Le mec il est là, il est en appart, il est en galère, il vient à la maison. Ça, quand tu travailles ensemble quelque part, ça ne vient pas aussi vite. Le rugby, ça, c'est un accélérateur de tout ça. Et ça, c'est ce qui va faire que sur le terrain, quand ton pote il va être en galère, bam. C'est ça qui me plaît. Et en pro, je l'ai moins senti. En senior. Ouais, en senior, pardon. Ouais. Ouais. En pro, parce qu'après en fait d'une, je l'ai ressenti. D'accord. Fait d'une, fait deux, ouais. En pro, je l'ai moins senti. Peut-être que c'est moi qui l'ai diabolisé, mais je sais pas. Ok. Voilà. Et ça, c'est comme ça que t'es tombé amoureux de ce sport quand t'étais minot. Ouais, grave. Par la fraternité, eh ouais, la bonne. Ah oui, oui. La solidarité. Ouais. La bonardise, t'allais dire. Ouais, j'allais dire ouais, la bonardise. Ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est clair. Non, franchement, ouais. Ouais, ok. Parce que toi, t'es vraiment l'archétype du mec bonard dans le rugby, quoi. Allez. Non, mais c'est vrai, allez. Non, mais c'est vrai, quand tu penses. Un mec rugby, un mec bonard, c'est toujours Jérémy Braille qui vient laisser des gonzes, quoi. Et parce que ça me plaît, tu vois. Ouais. J'ai toujours entouré, voir l'épisode à deux, c'est pas possible, on est à quatre entre collègues et on délire, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça, l'autre jour, je viens de te voir. Les collègues, ils ont une place importante, ouais. Hein, ouais, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un, toujours au téléphone, hein, on t'appelle toujours, je peux pas répondre. Voilà, mais tu gères bien tout ça, mais c'est que c'est toi et t'as ce besoin. Hein. Total et viscéral, quoi. Et donc ouais. T'espères le retrouver à la scène, quoi, cette ambiance là. Ouais, mais ben, oui, Kéké, il était l'année dernière. Ouais. Il m'a dit que t'as c'était clairement ouais. Ça. J'en ai parlé avec Sony, pareil. J'ai des potes ouais. Déjà à la chaîne, Ramel, ouais, même Romain bien. Lévesque avec qui jouait cette année, qui me disait l'ambiance elle est ouf. Ouais, et ça, je sais que ça va me faire du bien. Ok, voilà. Et ça va être quoi ton objectif sur la saison à venir? Ben, déjà, ça va être de jouer des matchs. Ouais. De jouer des matchs, de me retrouver des sensations, reprendre du plaisir. Et ouais, reprendre du plaisir, franchement, reprendre ouais. Du plaisir, enchaîner, et faire mal sur certains matchs, ouais. Des matchs, jouer des matchs âpres. Reprendre du plaisir, franchement. Parce que cette année, malheureusement, j'ai pas trop pu en prendre, quoi. Ouais. Tu vois, un match de 60 minutes, j'en ai pris pendant les matchs amicaux un peu. Où j'ai joué, j'ai repris des sensations, j'ai marqué un peu des essais, je me suis régalé. J'ai joué 8 un peu. Ouais. Et donc bon, tu peux jouer 6 aussi. Ouais, 6, 7, 8. Et voilà. Et ouais, à Château, j'ai oublié de le dire, on a été champion de France avec la B. Ouais. Parce que du coup, pareil, j'ai été blessé. J'ai fait que 9 matchs. Et c'était la limite. Et là, j'ai joué. T'as pu redescendre. Hein. Alors, ouais, en fait, donc Nacho, Nassim, qui est aujourd'hui le manager de la première l'année dernière, il était avec la B. Et la B, ça faisait 2-3 ans, je sais plus exactement, qu'il perdait en finale et putain, qui passait à côté du plan de shot, tu vois. Championnat de France. Ouais. Okay. Et ils ont demandé aux quelques mecs qui étaient dans mon cas de venir, tu vois. Et moi, je suis de Château, il y a plein de mecs avec qui j'ai grandi qui étaient dans l'équipe. Ah ouais. Tu vois, Louis Bernal, je le connais depuis qu'on a peut-être, je sais pas moi, 9 ans, 10 ans, et on a joué ensemble, c'est énorme. Ah ouais. D'autres qui n'étaient pas de ma génération, Damien Borel, tout ça, on se côtoie pareil depuis. On se connaît depuis des années. Mmh. C'était trop bien de rejouer avec eux, tu vois. De jouer avec eux. Et bon, au début, je savais pas si j'allais accepter parce que je devais aller jouer avec le Maroc. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'en as pas parlé. Pour la Coupe d'Afrique, la Gold Cup, pour la qualif Coupe du Monde. Finalement, j'ai pas été. À cause de ce qui s'est passé pardon, avec l'Espagne, ils ont changé les règles. Interdiction de jouer avec la sélection marocaine si j'étais international français moins de 20. Parce qu'à l'époque, la sélection, c'était une équipe bloquante. Parce qu'il n'y avait pas de França, donc il y a toujours deux équipes bloquantes. 15 de France et França ou 15 de France et moins de 20, ça dépend. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça dépend, mais j'avais eu des contacts. J'avais appelé World Rugby, j'avais appelé la personne qui s'occupe de ça à la Fédé. Elle m'avait dit non, tu peux pas. Ouais. J'étais deg. Parce que je m'étais régalé avec le Maroc l'année d'avant. On a été champion d'Afrique Silver Cup. Donc t'es gold, international d'argent. Grâce à ton grand-père. Ouais, mon grand-père qui est né au Maroc. Okay. C'est un Corse pied noir. Bah, ses parents travaillent au Maroc, il est né là-bas. Du coup, la nationalité, quoi. Et c'est sur deux générations, donc j'ai eu le droit de jouer avec le Maroc, mon frère aussi. Okay. On n'a jamais joué ensemble, mais mon frère a fait plus de matchs que moi avec le Maroc. Voilà, ça c'était aussi une super expérience qui est arrivée au bon moment après Nantes où j'ai full rugby, j'en voulais plus franchement. Je suis tombé sur des mecs au top qui m'ont trop bien accueilli, qui, franchement, pooh, c'était énorme. Et j'ai re-kiffé. Ouais, je me doute. J'ai re-kiffé là-bas. On a été champion en finale contre la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pas mal. C'était raide. C'était solide. Et un petit truc marrant, c'est que l'année prochaine, tu seras entraîné par Fred Arnaud. Ouais. À la Seine, un gars avec qui tu t'es filé ouais. comme un chien quand tu jouais au Aubenas, et lui était encore joueur à la Seine. Ouais, il a joué encore l'année dernière. Ah, il joue encore, bah vas-y, mais tu peux nous raconter cette bagarre. C'était pas vraiment une bagarre en fait. Hein. Ah c'était. Il jouait 10, moi je jouais 8, je crois, ouais, à la Seine. On les bat chez eux, je crois. Oui, c'est ça, plus 10. Ouais. Et c'était un peu le rival quand même la Seine alors qu'on n'était pas proche géographiquement. Et... Mais c'était la même équipe que nous. Ouais quoi. Voilà, c'était un peu. On avait un peu les mêmes caractéristiques. Et bon, du coup moi j'adorais jouer contre eux. Et Fred et Fred Arnaud, ouais mais c'était un piment. Il me file un coup de genou dans un rec. En fait on gagne. Dans les arrêts de jeu, et là il vient de se fighter quoi. Ouais, il me file un coup de genou. Parce que le match est fini. On se prend, je me lève. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de coups qui partent. Parce qu'il y a du monde autour. Vous prenez un rouge. Et quand il me crache dessus, là, il me crache dessus, je crois. Voilà, et en allant au vestiaire. Il me rebranche, je crois, ou c'est moi, je sais plus. Et je me retourne et j'essaie de lui enfiler une, mais je le loupe et je prends Bruno Mantovani qui joue avec nous. Qui d'ailleurs signe à la Seine l'année d'après. Ah ouais. Et je le prends sur le front et il était pas bien. Et voilà. Et du coup, après le match, par contre, j'étais resté sur place parce que j'avais plein de potes ici. Et j'étais sorti et j'avais bu une bière avec Fred Arnaud. Ouais. Et franchement, c'était trop bien passé. Et moi, j'aime bien ça. Ouais, voilà. Moi, le mec, on peut se filer, se mettre le nez de travers et tout. Et si après il vient me voir pour boire une bière, je serai toujours content. Et ouais, ça s'est bien passé. Pour retrouver plus facilement le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Joue au Rugby Mino sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et à laisser une note 5 étoiles de préférence pour permettre à cette émission d'être mieux référencée.